Chapitre 6e, le but de Henry Ashley. Par un de ces beaux jours que nous accorde quelquefois le mois de février et qui contraste si admirablement avec l'hiver, William revenait de la manufacture quand il rencontra Henry Ashley. Henry était de taille moyenne. Il avait conservé la délicatesse de traits qui caractérisait son adolescence et les deux rides creusées par la souffrance qui traversaient son front blanc. Voilà justement l'homme qu'il me fallait, dit-il en passant son bras sous celui de William. Tu vas m'aider à monter la colline. J'ai chaud et je suis fatigué. Comment ? Enveloppé dans son manteau doublé de fourrure, j'ôte le mien, comme tu vois. Est-il au musée ? William se mit à rire. Je n'ai pas eu le temps de l'emballer. Je suis bien aise de t'avoir rencontré. Tu vas venir prendre le thé avec moi. Eh bien, pourquoi hésites-tu ? Tu n'as pas d'engagement ? Rien de plus que d'habitude, mes études. Tu es insupportable avec tes études. Qu'est-ce que tu prétends devenir ? Un Socrate ? Un Platon ? Rien d'aussi formidable. Je voudrais devenir un homme utile. Et tu te rends un homme accompli, pour commencer. Marie a pris ta défense hier. Herbarder était avec nous. Je ne sais pas à quel propos il vient constamment maintenant. Et la conversation est tombée sur Franck. Tu sais que je ne fais pas de longues phrases quand je peux m'en dispenser. M. Morton avait dit à mon père que Frank Haliburton était un excellent étudiant. Et je l'avais été répété à Herbert, je savais que cela l'agacerait, il n'y a rien que j'aime autant que de chicaner les dares. Herbert s'en est moqué, et c'est en partie à William qui le doit. Et je continuais, car si Frank est instruit, William l'est encore plus. William Haliburton instruit, a répété dédaigneusement Herbert. Est-ce dans la cuve à blanc d'œuf qu'il a pris sa science ? Qu'il sache faire des gants, c'est tout ce qu'il lui faut. Qu'a-t-il besoin de savoir ce que savent les messieurs ? Voilà Mademoiselle Marie qui se lève, les yeux étincelants. Elle était à son dessein. Ce à quoi, soit dit entre nous, elle n'entend rien en comparaison d'Annaline. William Haliburton a oublié plus que vous n'avez jamais appris, Herbert, lui a-t-elle crié. Et il a plus de distinction dans le bout de son petit doigt que vous dans toute votre personne. Voilà qui vous vient bien, Herbert lui ai-je soufflé. Mais c'est vrai. Que ça vous plaise ou non. Herbert a été furieusement vexé. Henry tourna la tête vers son ami en finissant. Un rayon de joie dansait dans les yeux de William et le rouge était monté à ses joues. Eh bien, cria brusquement Henry, car William se taisait. N'as-tu rien à me dire? Mademoiselle Ashley a été bien généreuse de me défendre. Ce n'est pas ce que je te demande. Oh, mon cher, qui sait comment les choses tournent dans ce monde? Mais quelle objection as-tu à venir passer la soirée avec moi? Voilà ce que je te demande. Aucune. Je laisserai mes livres pour une fois. Quelque amoureux de l'étude que tu me crois. Mais on m'attendra chez Matisse. Tu peux bien leur faire faux bond pour une fois. Vrai. Ce serait un désappointement pour moi. Un désappointement pour toi que de ne pas donner ta leçon assez drôle, s'écria Henry. Lorsque je n'ai pas passé avec eux au moins une heure de ma soirée, il me semble que j'ai perdu ma soirée. Je sais qu'ils aiment me voir. Et je crains toujours que nous ne soyons pas sûrs d'eux. Tu parles comme si tu y mettais toute ton âme. C'est effectivement le cas. Henry le regarda et dit avec sérieux. William, je donnerai tout ce que je suis, tout ce que je serai, pour changer de place avec toi. Changer de place avec moi, répéta William avec surprise. Oui, car tu as un but dans la vie, être utile à tes semblables. Tu peux en avoir tant, toi. Avec ça, dit-il, il frappa sa jambe boiteuse, et sa figure prit une expression de dépit. Tu peux aller dans le monde, toi, avec ton corps tout entier, en pleine santé. Tu peux travailler, t'amuser, être actif ou tranquille à volonté. Mais moi, je ne suis qu'une pauvre créature infirme, souffrante, condamnée à passer la moitié de ma vie dans une chambre de maladie. Compare nos deux existences. Il y en a bien qui choisiraient ton sort de préférence au mien, répliqua William. Il faut que je travaille, moi. J'y suis forcé. Toi, tu peux t'amuser. Grand merci. Et comment? Toutes les jouissances que peut procurer la fortune sont à ta disposition. Quelqu'un comme toi n'est pas aussi responsable de son temps qu'un homme en bonne santé. Il y en a beaucoup qui envieraient ton repos et ton calme. Ce n'est pas un calme réel, répondit-il brusquement. La souffrance et mon caractère le détruisent bien souvent. Et je suis tourmenté par l'incertitude. En tout cas, tu peux dompter l'une de ces causes. Laquelle, je te prie? Ton caractère, Henry, ajouta-t-il en baissant la voix, une victoire remportée sur toi-même est au nombre des obligations qui te sont imposées. Je voudrais avoir un but, murmura Henry. Viens avec moi chez Matisse. Moi? s'écria Henry quand il put revenir de sa stupéfaction. « Moi, merci bien, monsieur Halliburton. » William se mit à rire, mais il reprit bientôt son sérieux. « Je comprends que le fils de monsieur Ashley, élevé dans le raffinement et l'élégance, pourri dans l'orgueil qu'Al Stanley prétend être mon défaut dominant, entouré de tant de précautions que les zéphyrs n'osent pas passer sur ma figure. » Interrompit Henry avec feu. « Allons, continue, ne va pas par excès de délicatesse me cacher aucun de mes défauts. « Je comprends, allais-je te dire, que tu ne tiennes pas à rompre avec tes habitudes de réserve. » En ce moment, ils arrivaient devant la maison de William. Madame Halliburton était à la fenêtre. William lui fit un signe de tête. Henry salua, puis il reprit. « Je te prie, penses-tu avec toute la ville que Henry Ashley soit le plus orgueilleux des orgueilleux ?»« Je ne te trouve pas fier, » répondit William. « Toi, quant à ce qui nous concerne tous les deux, le plus fier des deux n'est pas celui qu'on pense. Tu l'es terriblement avec moi. » William ne put s'empêcher de rire. « Plaisanterie à part, Henry, je crois que ce qui te donne cette apparence de fierté, c'est la timidité et ta sensibilité. C'est ta réserve seule qui a fait croire à Elstonley que tu étais fier. »« Tu as raison, mon vieux, » dit Henry avec chaleur. « Si tu savais comme l'orgueil et moi, nous nous entendons peu. Mais passons. » Arrivé au portail de l'habitation de M. Ashley, William l'ouvrit pour laisser entrer Henry. « Il faut que j'aille à la maison, Henry. » « Je ne serai pas plus d'un quart d'heure absent. » Henry prit un air de mauvaise humeur. « Pourquoi donc n'es-tu pas rentré quand nous sommes passés devant ? À quoi ça servirait-il que tu vinsses ici pour t'en retourner après ? Je croyais que mon bras t'aidait. C'est vrai, mais... Attends, il ne reste pas 2 heures. » Comme William retournait rapidement sur ses pas, il rencontra la voiture qui ramenait Madame Ashley et sa fille. Madame Ashley lui fit un signe de tête lorsqu'il ôta son chapeau. Marie le regarda en souriant et rougissant. Elle était devenue remarquablement jolie. Quelques instants après, William rencontra une beauté d'un autre genre, Annalyn. Ses joues rondes et fraîches avaient gardé leurs fossettes. Ses yeux bleus brillaient entre ses longs cils noirs. William s'arrêta pour lui toucher la main. « Toute seule, Anna ? Je vais prendre le thé chez Marie Ashley. Vraiment ? Eh bien, nous nous y retrouverons. Ce sera très agréable. Adieu pour le moment, William. » Elle continua sa route. William courut chez lui et monta à sa chambre. S'étant habillé à la hâte, il redescendit vers sa mère. « Mon ami va-t-il bien, mère ? Pourquoi ? Où vas-tu ? » demanda Madame Halliburton. « Chez Madame Ashley. J'ai mis mon habit neuf. Est-ce qu'il me va ? Il me semble que oui. » Et il étendit les bras. « Mais oui, il te va. Tu deviens un vrai dandy. Va-t'en vite. Il ne faut pas que je te regarde trop longtemps. « Pourquoi donc ? » demanda-t-il avec surprise. « Parce que je deviendrai trop fier de mon fils aîné. « J'aime mieux être fier de sa sagesse que de sa bonne mine. » William se mit à rire et embrassa sa mère. « Dis à Agar que je suis fâché de ne pas être à ses côtés pour trouver des fautes dans son grec ce soir. Adieu, bonne mère. » Il y avait en effet quelque chose de remarquablement distingué dans la tournure de William lorsqu'il entra dans le salon de Madame Ashley. Ce fait sembla frapper Henry encore plus que de coutume. « Ah, c'est donc pour cela que tu es retourné chez toi ? Lui cria-t-il depuis son sofa, pour te donner l'air d'un paon, comme si tu n'étais pas assez bien. Est-ce pour moi que tu t'es habillé ? Pour toi, dit William en riant, voilà qui est curieux. En disant moi, je comprends toute la famille, répliqua comiquement Henry. Il n'y a personne d'autre. Il y a aussi Annalyn. En toute franchise, William, dans sa réponse, n'avait eu aucune intention. Les mots étaient montés naturellement à ses lèvres. Peut-être aurait-il répondu différemment s'il avait été forcé d'exprimer sa véritable pensée. Quoi qu'il en soit, ce nom produisit un effet étrange sur Henry. Il serra le bras de William avec émotion et l'attira tout près de lui. « Et qu'as-tu dit ? Que veux-tu dire ? Rien de particulier, sinon qu'Anna est ici. Tu ne m'échapperas pas. Il faudra bien que je le sache, tôt ou tard. Qu'est-ce que tu veux dire ?» William était confondu. Henry était évidemment agité. La couleur avait abandonné ses joues et ses mains tremblaient en serrant celles de William. « Que veux-tu dire, toi ? » demanda tout bas William. « Je n'ai rien dit qui puisse t'affecter. Est-ce que nous ne faisons pas erreur tous les deux ?» Une tache rouge colora les joues de l'invalide. Il recula sa tête pour que la lumière ne l'éclairât pas. « Il faut que je le sache. Qu'est-ce qu'Anna est pour toi ? » ?»« Mais rien !» répondit William, le sourire sur les lèvres. « Qu'est-elle pour toi ? » répéta Henry avec vivacité. William se pencha de façon à abriter Henry contre tous les regards. « J'aime beaucoup Anna, » dit-il tout bas, « presque autant qu'une sœur, mais je n'ai pas d'amour pour elle dans le sens que tu entends. si j'ai bien compris, et je n'en aurai jamais. » Henry le regarda ardemment. « Sur ton honneur ?»« Henry, est-il nécessaire de le demander sur mon honneur, si tu veux ?»« Non, non, il n'y a pas besoin de te le demander. Tu es toujours franc. Pardonne-moi, William. » »« Annaline pourrait être ma sœur, ma femme, jamais. » Henry ne répliqua pas. Sa figure se couvrit de sueur. « Voilà un de tes spasmes qui te prend. Faut-il que j'aille te chercher quelque chose ? Chut ! Reste ici devant moi et tiens-toi tranquille. » William obéit et s'assit de manière à cacher Henry aux yeux de Madame Ashley. Il lui tint les mains jusqu'à ce que le paroxysme fût passé. Les lèvres de Henry avaient pâli. « Tu vois ce que je suis ? Je vois que tu souffres, » dit William avec compassion. « À partir d'aujourd'hui, il y a entre nous un nouveau lien, car tu possèdes mon secret, que personne au monde ne sait. » William ne répondit pas. L'inquiétude assombrissait ses traits. « Eh bien ?» s'écria Henry qui reprenait ses forces en même temps que ses brusques réparties. « À quoi réfléchis-tu » « Sera-t-il facile pour toi d'amener à ton idée, monsieur Ashley ?»« Certainement, » répliqua Henry, avec un empressement qui prouvait au contraire qu'il n'était pas sûr de son fait. « Je ne suis pas comme tout le monde, aussi il fera céder les considérations secondaires à mon bonheur. » William devenait de plus en plus grave. « Monsieur Ashley n'est pas tout, » dit-il après une pause. « Il y a d'autres difficultés. Elle ne peut pas se marier hors de sa secte. Samuel Lynn en est un des membres les plus zélés. »« Folie ! Samuel Lynn est le subalterne de mon père, et moi, je suis le fils de mon père. Si Samuel Lynn faisait mine de résister, je... »« Samuel Lynn, le subalterne de son père. » Dans ce fait même, William prévoyait que les choses ne marcheraient pas aussi aisément que le désirait Henry. Sa figure exprimait sa pensée. Henry s'en aperçut. « Qu'y a-t-il encore ? » demanda-t-il avec aigreur. « Tu es né pour faire le tourment de ma vie. Je crois que tu la veux pour toi. Je suis inquiet, Henry. J'aurais voulu que tu te fusses assuré que tout marcherait à ton gré avant de te laisser aller irrévocablement à tes sentiments. Pour toi, un coup serait dur à supporter. « Comment aurais-je pu réprimer mes sentiments ? » répliqua Henry. « Je ne me suis pas attaché tout exprès, Anna. Avant de m'en douter, j'étais pris. Presque avant que je sentisse que je pensais à elle. Elle était pour moi le soleil dans le ciel. Je ne pouvais pas m'en empêcher, je te le répète. Ainsi, ne me fais pas de serment. » « Lui as-tu parlé ? » Henry secoua la tête. « Le moment n'est pas encore venu. Il faut que je m'arrange avec le patron, avant de faire un pas. Et je crois que c'est encore un peu trop tôt. Ne va pas t'en mêler, toi. » William sourit. « N'aie pas peur. Si les Quakers avaient vent de la chose, ils feraient un tapage infernal. Il fera peut-être venir Anna pour lui administrer une mercuriale publique, ou bien elle ferait promettre solennellement à Samuel Lynn de ne jamais accorder son consentement. Si j'étais toi, Henry, c'est ce que je me dirais. » Avec un pareil amour pour Anna Lynn, je vous demande pardon, mademoiselle. Marie Ashley était debout près du sofa, avait-elle entendu ses dernières paroles. Maman vous appelait deux fois, mais vous causiez trop pour l'entendre, dit Marie. Henry, James voudrait pousser ton sofa contre la table. Henry se leva et passa son bras sous celui de William. Le domestique rapprocha le canapé. Debout entre les deux jeunes gens étaient Marie et Anna. Marie en robe de soie garnie de dentelles blanches et parée de bijoux. Anna en robe de mérinos gris que relevait un col blanc tout uni sans la moindre dentelle, sans le plus petit ruban. Je veux bien être battu si je laisse porter Anna ce vilain costume de quakeresse. Quand elle sera à moi, pensait Henry, je jetterai tout cela au feu. Mais le bonnet de quakeresse, où était-il ? Anne avait gardé l'habitude de l'ôter chez elle, passant cela grand événement. Samuel n'y regardait pas d'aussi près. Nous sommes entre nous, patience, disait-il. La petite dit qu'elle n'est plus au frais quand elle ne porte pas son bonnet. Mais si Samuel Lynn avait su qu'Anne l'ôtait toutes les fois qu'elle était hors de chez elle, il aurait grondé tout aussi fort que patience. Anna faisait mal, elle le savait, mais elle était entêtée et vaniteuse. Elle désobéissait encore autrement. Patience l'avait dit, « Si Marie Ashley ouvre son instrument de musique, tu ne l'écouteras pas. Tu peux t'en aller dans une autre chambre. »« Oh oui, patience, » avait-elle répondu. Mais, bien loin d'obéir, Mademoiselle Anna s'asseyait tout près du piano et écoutait de toute son âme. La musique avait tant d'attrait pour elle qu'il lui sembla être dans le paradis lorsqu'elle en entendait. De retour chez elle, elle se gardait bien d'en parler. Il prenait le thé quand Herbert Dare arriva. Herbert avait l'air très distingué et savait se rendre très agréable quand il le voulait. Il s'assit entre Marie et Anna. « Dites donc, comment se fait-il que vous ne dîniez pas ce soir chez vous ? » demanda Henry, qui n'avait pas les Dare en grande faveur. « J'ai dîné au milieu de la journée, répondit Herbert. Quelle condescendance! Je croyais que les plébéiens seuls le faisaient. James, y a-t-il un morceau de crayon dans la maison? Il faut que je note cela. Henry, Henry! Gronda Madame Ashley. Oh, laissez-le, madame, dit Herbert avec bonne humeur. Il n'y a rien qui l'aime autant qu'une bonne guerre de paroles. Rien au monde que j'aime autant, affirma Henry, surtout avec Herbert Dare.